zone ici les nanas peuvent être des passages de coca. Gros c'est gang, pour la monnaie nous on est ready. J'ai caché le Smith West dans la berline. Premier rebeu je repose sur le Sibéry. Ma chérie c'est nous les kings. Elle veut voir l'équipe. J'suis un roti, j'vais les choper comme sur Tinder. J'arrive à toute balle sa maman. On vient de loin maintenant les virements ça marrant. RS3 la conduite est violente. Je fume la beuh, j'ai les palettes au volant. L'oseille à mort, j'veux dormir en rigolant. Je fume la beuh, j'ai les palettes au volant. Audi RS3, tous les feux sont verts. J'ai caché mes billets vers sous terre. J'suis parti d'en bas, poteau j'ai souffert. Si tu veux nous faire, c'est une grosse erreur. J'ai quitté le ghetto, j'suis à Varadero. Business class tello, j'laisse la misère dans le rétro. J'ai quitté le ghetto, j'suis à Varadero. Business class tello, j'laisse la misère dans le rétro. J'ai moins d'amis. Comme des fous malades, je suis dans le RS toute la night. Je fais mes lovers.